بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما هو خلاصة الباب الماضي؟ باب ما جاء في والبابين الماضيين. الباب الأول ما جاء من الشرك والآخر بين أنواع من الشرك. من الشرك ومن السحر. من السحر نعم من السحر. نبقي ما يتعلق بالسحر وأنواع بين أنواع من السحر. سبجاك ونبقي كل فهم من السحر. لا لا نبقي. parmi les il y a on a vu qu'il y avait beaucoup. on a vu quelques sortes de sihr qui étaient répandus. طيب والنمام c'est un sahir. on le fait. لا لأن السحر يعني ينقسم إلى قسمين. واحد السحر الحقيقي و تخيير وهذا خلنا النمام سويك في لنا النمام سويك في لنا ميمة هذا السحر تخيير يعني في دل الحديث في في دل الحديث دل الحديث qui fait plus de mal que ce que le, en quelques temps en quelques minutes que le sahir il fait en qu'il n'arrive pas à faire en non ça c'est pas un hadith ça hadith inna min al bayn al sihra partie de l'éloquence. Là, c'est du sien. Le hadith qu'on a appris, hein, par rapport au. On a même, on a dit que c'était un kalam de salaf. C'était pas un hadith. Non, que le namam fait plus de mal en peu de temps que le ferait un sahir. Et c'est quoi le jugement sur le sahir? Le verdict islamique sur lui? Qital. Qital ou qatl? Qatel c'est combattre. Ça peut être combattre, ça peut être même rentrer dans la bagarre ou ce genre de choses. Mais le qatl c'est l'exécution. À partir de là, souvent on va prendre deux bêtes par derse parce qu'elles sont assez courtes. Et résumées en général, à part quelques-unes, mais en général elles sont assez courtes. Il faut de l'illah. On le prendra deux par deux. نعم. مثل اليوم مثلا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. Ce qui était dit à propos des devins et voyants, ce qui y ressemble. يعني ممن ادعى شيئا من علم الغيب. Gens qui prétendent connaître des choses de l'avenir ou de l'invisible plutôt. Ce qui s'y rapporte comme jugement que cela est du shirk, car ils prétendent une chose qui ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la connaissance de l'invisible. Et de dehors rentrent les arrafin, comment ça va venir, ramalin, ceux qui font des traits dans le sable. Je crois que même ça, c'est présent jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont parlé que même au Maroc, on trouve ça encore. Ou le Sahara, il rentre dedans. La Kaza. Ou le Cheikh Ibn Baz, il dit que le Kahin, هو الذي له رأي من الجن, أي صاحب, وحكمهم أنه يجيب القضاء عليهم وتغذيرهم أو تغذيرهم وتكذيبهم. Kahin, c'est celui qui s'entraide des djinns pour connaître les choses. Il les fréquente, il les côtoie. Et le jugement, c'est qu'on doit l'exécuter. L'exécuter ou le bannir ou le démentir et ne pas le questionner. C'est le même jugement pour les autres. Al-Arraf, Al-Rammal, Sahir, Naam. Fakal al-Mu'allifu, Rahimahu Allah Ta'ala. Arau Muslim fi sahihihi, an ba'd azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqah, lam tukbal lahu salatun 40 yawma. Donc il dit, chez les musulmans, selon une des femmes du prophète Mohammed, Et c'est Hafsa, comme va le dire le cheikh dans le charh, radiallahu anha. Donc celui qui va voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un gharraf et qu'il interroge et qu'il le croit, que sa salat ne sera pas acceptée 40 jours. Le gharraf, ça va venir, inshallah, dans le tafsir de l'Baghawi. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أبو داود وهذا الحديث صحيح ولأربعة والحاكم نعم سنة أبو هريرة رضي الله عنه que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit celui qui va voir un voyant et qui le croit a certes mécréance qui est descendue sur Muhammad صلى الله عليه وسلم. والأربعة والحاكم قال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح كذلك. Donc pour les quatre ainsi que le hakim, quand on dit les quatre, c'est qui les quatre? Tu as appris qu'il est les أربعة. C'est qui les أربعة? Là, là, c'est pas les Aïmal Arba'a. C'est Ashab Sunan Arba'a. Là, il n'y a pas dedans Bukhari. Là, Muslim ou là Bukhari. Quatre autres. Quatre autres. Connus. Allez, ouais. C'est eux les quatre. Quand on dit les cinq, c'est avec Ahmed. Et quand on dit les Sab'a, c'est avec Muslim et Bukhari. Tu verras, ça c'est le stylaire que tu vois dans le boulot. On dit Arba'a, tu sais qui est Arba'a, pas chaque fois à répéter les noms. Naam. Donc il dit l'Arba'a pour les quatre et l'Hakim également. Il a dit qu'il est authentique sous les conditions de Muslim al-Bukhari, selon Abu Hurayra, qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va avoir un haraf. Ou un kahin qui le croit dans ce qu'il dit, il aura certes mécru en ce qui est descendu sur Mohammed. Également, selon Ibn Mas'ud, c'est venu Mokouf selon lui. Donc c'est Ahadith. Premièrement, on expliquait dans le sujet de Muslim, c'est Hafsa qui a rapporté cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Muslim, le love fasad de kahu, il n'y est pas. C'est tout simplement dans Muslim, man ata arrafan fasa'alu an shay, lam tukbel salatun arba'in yawma. Celui qui va voir un arraf et qui l'interroge sur quelque chose, sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Il n'y a pas fasad de kahu et qu'il le croit, un Muslim. Par contre, c'est présent chez Ahmed. Une riwaya qui est authentique chez Ahmed. Donc là, comment lier entre les deux? Tous ces hadiths et le fait de dire Fasad Dakahu. Cheikh Ibn Hizam, il dit, dans son tariq à Fath al-Majid, il dit qu'en fait, il n'y a pas de temps d'un coup entre les deux. Car le fait de croire un kahin ou un harraf, dans ce qu'il dit, al-zahir, al-as, c'est que c'est du kuf akbar. Car il prétend une chose de l'invisible. Toi, tu le crois. Donc, ça veut dire que tu auras mécréance qui descendait sur Mohammed, c'est-à-dire au Wahi. La ya'lamul ghaib illa Allah. Personne ne connaît l'invisible, ce n'est Allah. Donc là, ça veut dire quoi? Chiré dit, ça peut être du kufr Askhar ou Akbar. Et si il est Askhar, sa salat ne sera pas acceptée 40 jours. C'est Akbar, elle n'est pas acceptée mutlaqan. 40 jours ou 40 ans, tant qu'il reste sur cette croyance. Asrar, comment? À quel moment? Que si jamais il va le voir et qu'il le croit dans cette chose-là qu'il a dit à ce moment-là. Non pas qu'il croit qu'il connaît le Aïb, mais qu'il croit l'information qu'il lui a demandé, qu'il le croit, cette information en soi, mais qu'au fond de lui, il sait qu'il ne connaît pas l'avenir. Mais il se dit qu'il a du travail avec le djinn, donc ce qu'il a dit là, je le crois. Lui, la salat, c'est du coup Asrar, la salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Par contre, celui qui le croit, mutlaqan, dans le sens qu'il croit ce qu'il dit, de façon générale, qui connaît le ghaib, ou le zalika, lui, يكفر بما أنزل على محمد. Ça, c'est le kufr akbar. Car ça revient à démentir le Coran. De croire ce que dit quelqu'un à propos du ghaib. Donc allez voir un harraf ou un kahin, un devin, un voyant, un astrologue. Ça, ça rentre dedans également. Regardez, comme certains ulama le disent, dans les journaux dans lesquels il y a la chronique astrologique, voire l'horoscope. Tu vas regarder dans l'horoscope. Kadhalik, ça prend le même jugement. Si tu le crois, c'est le même jugement. Talib. Après, maintenant, le fait d'aller voir un kahin, arraf, ghalizalika, sahir, à la base, le jugement de base, c'est celui qui est cité dans le hadith, là, c'est que c'est muharram. Maintenant, si tu crois en ce qu'il dit, le fait d'aller le voir plutôt et de l'interroger, ta salat, elle est ba'atil pendant 40 jours. Si jamais tu crois en ce qu'il dit, yani à la cause de ta'yin, ce khabar là en soi, sans pour autant croire qu'il connaît le ghaib, ça c'est le kouf asrar. Et ta salat, elle est ba'atil à 40 jours. Maintenant, si jamais tu le crois, mutlaqan, tu saddiku mutlaqan, fahadha kufrun akbar. Le kouf akbar. Maintenant, il est permis d'aller le voir, comme l'a dit Cheikh Othaymine, pour le fdah, le dévoiler, démontrer que c'est un menteur. C'est-à-dire, tu vas le voir et tu l'interroges pour le tester et pour démontrer que c'est un menteur qui ne connaît rien. Ça, c'est permis. Le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam l'a fait avec Musayyad. Il l'a fait, il l'a testé. Donc toi, non, ton but, c'est pas de croire ce qu'il dit, c'est pour démontrer aux gens qui il est. Car il faut bien le hal de ces gens-là, à la Ummah, pour ne pas aller les voir, ne pas se faire avoir. Donc le fait d'aller le voir, il y a un torsil. Innama al-amal bin-niyyah, ça dépend de ta niyyah à toi. Maintenant, l'horoscope, ça... Il n'y a pas lieu de tester parce qu'à la base, tu vas lire la chronique qui est dans un journal. Il n'y a pas à regarder tout ce qui est style astrologique. Tout ça, ça rentre dans le hukm de Al-Kahana. Et c'est du kufr. Car c'est prétendre connaître l'avenir. Chose qu'il n'est pas. Qala al-mu'allifu rahmahu ta'ala. Wa an Imran ibn Husayn. رضي الله عنه مرفوعا قال ليس منا من تطير أو طير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد روى البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره وهذا الحديث كذلك صححه الألباني رحمه الله تعالى. Donc selon Omran ibn Hussein, marfouan, c'est-à-dire remontant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, ne fait pas partie de nous celui qui fait du tiara, mauvais présage, mauvais augure, ou alors qu'on le fait pour lui. Ou alors celui qui va voir un voyant, du moins qui apprend la voyance pour parler aux gens, informer des gens, ou alors celui à qui on informe. Même, ou celui qui le fait, celui pour qui on le fait. Et le sihr, pareil. Celui qui a fait du sihr, ou celui pour qui on a fait du sihr. Et celui qui va voir un kahin, comme on l'a dit, est pareil, qui le croit en ce qu'il dit, il a mécru en ce qu'il est descendu sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith regroupe le jugement précédent, où en plus de cela, il te démontre quoi? Que celui qui fait la chose, ou pour qui on l'a fait, prend le même jugement. C'est un kafir aussi. Non. Maintenant, Laysa minna n'est pas de nous, à la base, le love n'est pas du takfir. Car c'est un hadith. Laisa minna man fa'ala kada kada. Man hamala silah alayna fa laisa minna. Celui qui porte les armes sur nous ne fait pas partie de nous. Allez, zalika. Mais on prend le takfir de d'autres ahadith, d'autres adillah. Le love tout seul, laisa minna, en lui tout seul, n'est pas un love de takfir en soi à la base. Et genre, tu n'es pas sur le tariqa de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comme on a pris dans le hadith précédent, ou à la fin du hadith, kafara bima unzila ala Muhammad. Ça, c'est ça, le shahid du hukm. Et le takfir, ouais, on a dit également, il y a un tafsir. Ça dépend de, comme on l'a dit tout à l'heure, la croyance de la personne. Bien sûr, c'est pas un takfir mutlaq, ça peut être du kufr askhar. Et le shahid dit, wa man idda'a ilm al-ghayb yustatab, wa illa kutil, wa idha lam yadda'i العلم الغيب فإنه يغزر حتى لا يعود إليه. Que celui qui prétend connaître l'avenir ou l'invisible plutôt, istitaba, on lui demande de faire tauba. S'il refuse, il est exécuté. Et exactement, riddatan, apostasie. Non. Parce que c'est pas toute personne qui fait prétend connaître le ghaib qui fait du sihr. Mais le sahir, il rentre là-dedans. Il rentre dedans, sauf que lui, on l'exécute. Mais maintenant, demain, par exemple, un kahin, c'est pas un sahir. Et maintenant, par contre, s'il prétend ne pas connaître l'invisible, mais il fait des choses quand même, la kahana, tajnim, tayyib, ou ta'arif, tout ça, sans prétendre que l'avenir, le ghaib, lui, il doit être, il doit subir une sentence. Et c'est ce qui délaisse cet acte, cette prétention de pouvoir aider les gens sur ce genre de choses. Et pour qu'il délaisse cet acte. Quand même, il y aura zar. Thumma qala al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, al-arraf al-lazi yadda'i ma'rifat al-umur bi-mukaddimat yastadillu بها على المسروق او مكان الضال ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير donc le Baghawi il dit que le Arraf c'est celui qui prétend connaître les choses déjà passées مثلا une chose qui a été volée, chose qui était perdue. Il t'informe qui a fait cela, ou il t'informe où trouver cette chose-là. Il était dit également que le Arraf, c'est le Kahin, c'est la même chose. Et que le Kahin, c'est celui qui prétend connaître les choses de l'invisible, dans le futur. Ou alors des choses qui informent des choses intérieures, qui sont en toi, des secrets internes. Donc certains, Yutlikun, l'Arraf, l'Al-Kahin, et d'autres, ils différencient entre les deux. Donc, Mersalem, on t'a volé une chose, lui peut te dire, un tel t'a volé telle chose, et cette chose se trouve à tel et tel endroit. Tu as perdu tel objet, il est à tel endroit. Et comment il fait, lui? Il fait ça en utilisant le djinn. Fil ghalib. Ou même des fois, il t'informe de choses du passé que personne ne pourrait connaître à part toi. Les choses liées à ta vie privée. Comment il le sait? Le djinn avec qui il travaille, probablement interroge les djinns qui sont avec toi. Ils disent, quand tu étais petit, il t'arrivait telle chose. Quand tu avais tel âge, il t'arrivait telle chose. Et là, tu te dis, oh, comment il sait ça, lui? En fait, c'est son djinn qui va peut-être avec ton djinn à toi, qui l'informe de ce genre de choses. Et donc là, les gens, ils disent, comment ils connaissent cela? Ou des gens qui font ce qu'on appelle forcément, il y en a comme le spiritisme. Tout ça, c'est par l'usage de djinns. Ils disent par exemple, ton grand-père s'appelait tel, ton grand-père c'était un tel, ta grand-mère c'était un tel, une telle. Alors toi tu ne lui as rien dit. Il te dit le nom de ton grand-père, quel jour, quelle année, comment il a été tué, s'il a été tué ou comment il est mort. Toi tu le crois, tu dis comment il sait ça? Ça c'est un harraf. Il informe des choses dans le passé. Donc allez le voir. Et le croire dans l'absolu cela est du Kufr Akbar. Le croire sur une information en soi précise sans pour autant croire qu'il connaît l'invisible, ça c'est du Kufr Asra. Et ta salat est annulée pendant 40 jours. Voilà comment on lit entre les ahadith. Et le kahin, lui, t'informe des choses du mustaqbal, du futur. On expliquait comment, par les shayatines qui volent le décret que Allah subhanahu wa ta'ala transmet aux anges. وقال ابو العباس من ابو العباس ابن تيميه وهو اسمه طبعا ده سنه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه تيميه سكي تيميه سكي تيميه c'est une fille je crois c'est une de ses C'était une alima. Taïmiya, beaucoup de gens ne savent même pas. Ils savent croire que c'est un homme. Taïmiya, c'était de ses grands-mères. C'est un nom d'une femme. Il dit Al-Arraf, Ismun lil-Kahin, wa Munajjim, wa Rammal, wa Nahwihim, mimman yatakallam fi ma'alifat al-umur bi hadhi turuq. Donc il dit lui, Taïmiya, que le Arraf, c'est le Kahin. Et c'est Munajjim. Le Munajjim, c'est l'astrologue qui se sert des étoiles. Ou Ar-Rammal, celui qui fait des traits dans le sable, dans le sol, et autres. Parmi les gens qui parlent dans les choses qui touchent à l'invisible. Wa qala ibn Abbas, radiyallahu anhu, fi qawmin yaktubun A, Ba, Alif, Jim, A, Dal, yani A, Ba, Jad. وينظرون في النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ابن عباس رضي الله عنهما il a dit que à propos de ceux qui écrivent des lettres de hijaïa de l'alphabet arabe tout en regardant dans les étoiles dans les astres je ne vois que cette personne-là n'a aucune part auprès d'Allah c'est-à-dire يوم القيامة c'est-à-dire que ces gens-là qu'est-ce qu'ils font avec des lettres qu'ils écrivent tout en regardant les astres, veulent te prédire l'avenir. C'est une tariqa qu'ils font avec des lettres. Maintenant, le fait d'écrire des lettres, sans regarder les astres, le mouvement des astres ou la kaza, ça peut être permis. C'est pour ça que là, il dit « وَيَنْذُرُونَ فِي النُّجُمْ » Là, le « waouh » c'est « waouh » al-hal. C'est-à-dire, ils écrivent ces lettres tout en regardant dans les astres. Et non pas, ils écrivent ces lettres et aussi Ce ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux actes qui sont en même temps. C'est-à-dire qu'ils écrivent ces lettres en se basant sur le regard dans les astres. La vision dans les astres. Fahim ta'ala ? Non, mais maintenant, des fois, dans les tartibs des kutub, on te met des lettres. Donc, par exemple, nous, on dit A, petit A, petit B, petit C, petit D pour faire un tartib, mettre en ordre. Des fois, on dit 1, 2, 3, 4. Ben, les Arabes, ils font Alif, Ba, Jim, Akada. Il faut un ordre comme ça. Ou des fois, des ulama, pour te donner une référence, ils te mettent des lettres. C'est dans les kutub de Mustalah, dans les Rijel, quand il écrit c'est un stellaire pour raccourcir la chose, la résumer. Il ne faut pas à chaque fois, c'est les noms de tous les imams, c'est long. Donc ils te mettent une lettre. Kha, ça veut dire Bukhari. Mim, ça veut dire Muslim. Te, Tirmidhi, Akada. Donc c'est pas du shirk, Abadan. Lui, ce qu'il vise par là, c'est les gens qui écrivent ces lettres-là en regardant dans les astres pour pouvoir prédire l'avenir. Donc ces gens-là, comme dit Ibn Abbas, qui n'ont aucune part dans l'au-delà car ils prétendent connaître l'avenir. Taïb. Fal-ans l'akhouz al-masail al-ma'khouza min hadha al-bab. Tu vois, alhamdoulilah, que ce genre de livre, c'est masail, le muslim apprend beaucoup de choses, comprend beaucoup de choses que le kafir ne comprend pas, dans lesquelles il s'égare. Qui sont liées à ce qu'ils appellent le surnaturel. L'autre monde, comme ils aiment le dire. Comment ils se font avoir. Sahib al-Tawhid ou Sahib Basira. Qala fi masail al-oula la yujtama'u tasdiq al-kahin ma'al-iman bil-Qur'an. On ne peut lier entre le fait de croire en Kahin et le fait d'avoir l'imène au Coran. Pas possible. Athania, à Tasrir, Benou, Koufroun. Qu'il a dit clairement que c'est le du Koufr. Le fait de le croire. Après que le Tafsir qu'on a spécifié. Athalitha, Zikru, Mantakou, Hinalahu. Ce qui a été dit à propos de celui pour qui on fait du Takahun. Pour qui on demande l'avenir. Arabiha, Zikru, Man, Toutou, Yiralah. Celui pour qui on fait du mauvais présage, mauvais augure. Al-Khamisa, Zikru, Man, Suhiralah. Celui pour qui on a ensorcelé quelqu'un. C'est fréquent, des gens ne connaissent pas le sihr, ils vont voir un sahir et ils disent jette un sort à un tel. Ben lui, il prend le hukm du sahir. Al-Sadisa, Zikru, Man, Ta'allama, Aba, Jad. Celui qui a appris les lettres et en précisant, en se basant également sur quoi ? Sur le mouvement des astres pour pouvoir prédire l'avenir. Ça, c'est quoi? C'est un hadith? Là, c'est l'affaire d'Ibn Abbas. Mais l'affaire d'Ibn Abbas, à ce moment-là, les ulama disent que le hukm du raf, car il donne un jugement sur une chose. De toute façon, il rentre au même. C'est Mustanbad Adilal Asabi, quoi. C'est le même jugement. Car il va vouloir prétendre qu'on a des choses de l'avenir. Parce que là, dans les étoiles, il fait les lettres en haut derrière les étoiles. C'est ça. C'est ça le waouh que tu disais que c'est... Waouh, hell. Ça t'accoule. Jittu fil masjid wal imam yukabbir. Je suis venu, je suis entré dans le masjid alors que l'imam faisait le takbir. Je ne sais pas, je suis entré dans le masjid et l'imam fait le takbir. Je vais vous montrer que c'est, en fait, ton action, elle est liée au même moment. Ce waouh-là, ce n'est pas un waouh atf, c'est un waouh hell. تقول اقرا وانت جالس لي alors que tu es assis. Donc le jugement, ce qui se rapporte, celui qui écrit ses lettres en regardant dans les astres. السابعه ذكر الفرق بين الكاهن والعراف, la différence entre le kahin et le arraf. هذا كان الباب ما جاء في الكهان ونحوهم. On prend le bab qui est après, qui lui, je pense, Allah a'lam, si les ulama l'ont dit, qu'il aurait été mieux de le mettre avant ce bab là, de le mettre à la suite du sihr nushra. Allah a'lam, j'ai pas eu de tambih par rapport à ça, mais là dans ma réflexion à moi, ce qui me paraîtrait plus probable, plus approprié qu'il soit venu à la suite du bab sur le sihr, car il est lié à cela. Qala babun ma jaa fi an-nushra. Ce qui est venu à propos de an-nushra. Et an-nushra, c'est ce qu'on appelle le désenvoûtement, le fait de défaire un sort fait par un sahir. C'est défaire un sihr. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أبو داود. Donc là le hadith de Jabir رواه أبو داود وصححه الألباني. Qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est interrogé à propos de An-Nushra. Il a dit que cela fait partie des actes de Shaitan. Laisse où il a Ahmed anha, faqala Ibn Mas'ud yakrahu hadha kullah. Et que Ahmed est interrogé à propos justement de An-Nushra, et qu'il a dit qu'Ibn Mas'ud déteste tout cela. Donc là, ce hadith, avant cela, le hadith de Jabir, nous le démontre que cela fait partie des actes de Shaitan, An-Nushra. C'est-à-dire de voir un sahir pour qu'il défasse des envoûtes d'un sihr qui a été fait. Qala al-Sheikh Ibn Baz, rahmallahu ta'ala. لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبونه من عبادتهم والنظر لهم يستعفونه بطاعته بإعطائهم الإجاب عما يسأله مما يخفي عليهم من عمل الساحر وما يفعله في المسحور فهذا من عمل الشيطان. Pourquoi cela est interdit? Car cela amène à te rapprocher des shayatines. En faisant d'une nushra, ça implique que tu vas voir un sahir ou autre et qu'il doit refaire du kouf pour que le shaytan avec qui il a collaboré ou un autre défasse ce sihr qui a été fait. Donc il doit refaire du kouf pour cela. Cela est interdit par rapport à cela. Et cela démontre que la nushra à leur époque était connue chez les sahaba. Ça existait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été mashour. Il était ensorcelé. Il s'imaginait faire des choses qui n'étaient pas faites. Et, comment dire, il n'a pas fait de nushra pour se guérir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé qui l'a ensorcelé, où se trouvait le sihr. Après, il a dit que Ahmed était interrogé à propos de nushra et qu'il a dit qu'Ibn Mas'ud détestait cela totalement. Et là, yakrahu zalika. Naam. Donc on disait al-karaha chez les mutaqaddimin. Chez les mutaqaddimin, kana yutlaq ala tahrim. Ce qu'on appelle le makruh chez les anciens, c'était pour le tahrim, chose qui était haram, contrairement aux mutaakhirin, ceux d'après eux. Qui eux, c'était pour toute chose détestable. Wa min adillatin al-karaha tutlaq ala tahrim. Dans le Coran, c'est venu. Comme le Coran, Azawajel, wa qadara rabbuka illa ta'budu illa iyyahu, surat al-Isra, voyage nocturne. Par la suite, il cite plein de choses. Wa la taktulu awladakum min imlaq, mathalan, wa la taqrabu az-zina, wa qala, wa la takfu ma laysa laka bihi ilm, toutes ces choses-là, wa la tamshi fil ardi maraha. Toutes ces choses-là qu'il a interdit, de ne pas tuer la vie interdite, de ne pas tuer les enfants par peur de la faim, de ne pas marcher sur terre orgueilleux. À la fin, il dit quoi ? Wa kullu zalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha. Que tout cela auprès de ton Seigneur est mauvais et makruha. Alors c'est haram, ces choses-là. Quel terme a été employé ? Makruha. Le fait de dire qu'Ibn Mas'ud kana yakrah zalika, c'est pas l'ikrah. Et karaha, comme nous on la connaît, chez les contemporains. Dans le sens que c'est haram. Non, karaha. Karaha. Wa qala wa fil Bukhari an Qatada qultu li ibn Musayyib rajulun bi tibbun aw yu'khadhu an imra'ati ay yahill anhu aw yunshar. أو ينشر قال لا أبأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم أنهى عنه. Donc selon Qatada chez Bukhari que Ibn Musayyib il a dit Qatada Ibn Musayyib Saïd Ibn Musayyib qu'un homme a été ensorcelé tibbuna mana sihr selon les causes des conflits avec sa femme. Est-ce qu'il est permis de défaire son sihr ou de faire du nushra, des envoûtements? Il n'a dit pas de mal en cela. Il veut juste par cela faire de la réforme, c'est-à-dire réconcilier. Et tout ce qui est utile, je ne peux l'interdire. Ou plutôt, n'est pas, on ne peut l'interdire. Ah, Kazakol. Adakol Ibn Musayyib. Après, Cheikh Ibn Baz dit par rapport à ça. وَهَذَا الْكَلَامُ مَحْمُورٌ عَلَى الْحِلِّ الَّذِي لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ الْحِلُّ بِالرُّقْيَةِ وَالْمُعَوَّذَاتِ وَالْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْإِصْلَاحِ وَالْإِصْلَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ وَمُنْكَرٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. Donc il dit là ce qu'il veut dire par là, lui, ce qu'il pense que cela est interprétable par le ce qui est légiféré comme un ruqya et les choses permises pour amener justement une réparation du mal qui était causé. Et l'islah, le fait de réparer le mal causé, c'est une chose qui est obligatoire. Et Cheikh Othaymine dit que pareil, il dit soit ça veut dire ça, ce qu'il a voulu dire Ibn Musayyib, ou soit il aurait voulu dire l'autre sens du Nushra, il a dit ce qu'il est marjouh, ce qu'il n'est pas sahab, qui s'oppose aux adillah, qui sont clairs. Il dit qu'il y a eu un khilaf, c'est certains ulama qui l'ont vu, de faire un Nushra, mais que le qu'il est khata. Le qu'il est khata. Et là, c'est un khilaf qui s'oppose aux adillah clairs. Car cela amène à faire du kufr. D'utiliser les Sahara, alors qu'à la base, on doit quoi ? Les exécuter. Donc cette fatwa-là, les gens qui seraient amenés à faire cette fatwa-là, elle serait fausse. Et quand bien même on trouverait des ulama qui auraient dit la même fatwa auparavant, on dirait que leur qu'il est marjouh. Donc on suit le dalil, on ne suit pas la personne. Donc aller voir le sahir pour qu'il désenvoûte, qu'il défasse un sihr, cela n'est pas permis. Mais on se sert des causes légiférées pour pouvoir défaire et se guérir. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلى الساحر ولا إلى الساحر. Qu'il est dit, الحسن, que ne peut défaire un sort si ce n'est un sorcier. Il veut dire par là, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, qu'il ne peut défaire la sorcellerie par la voie de Shayatin que le sorcier. Ah ben, quant au fait de les défaire par les voies qui sont permises, cela est faisable même par les gens de science, les gens de la clairvoyance ou les gens de l'expérience. Et cela a été prouvé, a été testé, quand même, par les médicaments, par le ruqya, Rel-Zalika. Et que cela, il faut répéter. Il ne faut pas désespérer, il faut persévérer. Celui qui a un sihr, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et le rakiz à l'ibada. Car la mawa anfa'alahu wa al-ibada wa zikrullah ta'ala. Et il disait, il fait beaucoup de dua, il demande Allah subhanahu wa ta'ala qui le guérisse et il prend les causes. Wa qala ibn al-qayyim, al-nushra hil al-sihr an-mas'hur wa hiya nu'an. Ahaduhuma hil bi-sihr mithlihi wa huwa alladhi min a'mal ash-shaytan wa alayhi yahmilu qawl al-hasan. Wa yataqarrab an-nashir wa muntashar ila ash-shayatin bima yuhibbu fayubtilu 'amalahu an-mas'hur. والثاني أن يشرط بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Ibn Qayyim dit que le nushra, c'est le fait de défaire la sorcellerie, le sort de celui qui est ensorcelé, cela est de deux sortes. Premièrement, défaire un sihr par un sihr qui est équivalent. Et cela n'a lieu que par, il dit c'est celui-là qui est parmi les autres du shaitan. Comme le hadith est venu. Et c'est celui-là qu'a visé Al-Hassan en disant que le sihr ne peut être défait que par un sahir. Ça ne veut pas dire que tu le fais. Lui te dit cela. Qu'un sihr ne peut être défait que par un sahir, c'est-à-dire un nushra al-muharrama. C'est-à-dire que celui qui fait du nushra se rapproche de shayatin en faisant des ibadas pour eux. Des choses qu'il aime. Afin qu'il défasse ce sort. Et le deuxième, c'est le nushra qui a lieu avec le ruqya, la lecture du Coran, et par les médicaments qui sont connus, comme le cidre, le fait de cidre, c'est connu, ça a des vertus médicinales et qui aident beaucoup. Certaines huiles, pareillement, qui aident à guérir du sihr. Et cela est permis. Donc défaire le sihr par les moyens permis, hada shay'un matloub shal'an. Donc tu peux dire ton frère, fais-le. أما نشر المحرمة par le biais des shayatines des Sahara, ça c'est pas permis. هذا هو الخراس من الباب. Car ça revient à faire du sihr. Et le sihr, on a pris son hukm auparavant. Donc en fait, ça devient un cercle vicieux. Et ça mènerait à quoi ? Est-ce qu'on laisse les Sahara présents pour qu'ils dépassent leur sihr ? Pour qu'ils pourraient faire du mal encore. Ils pourraient encore faire du mal. Donc les gens qui ont un sihr, عليهم برجوع إلى الله بالطريقة الشرعية. On prend les masail, منكمل بهذا. قال فيه مسائل بل مسألتان. مسائل في الجمع دكوا مسألة. قال الأولى النهي عن النشرة كل أنت لا تفعل النشرة désenvoûtement par le biais des shayatin et par le biais des sahara. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. La différence entre le nushra qui est permis et celui qui est interdit, ce qui justement amène à défaire l'ishkel, le problème, ce qui pourrait paraître comme étant contradictoire dans le kalam de Ahl al-Ilm. Dans le kalam de Ahl al-Ilm. Donc l'interdit, c'est celui qui est par le biais des shayatin, et le permis, c'est celui qui est par le biais de la ruqya et des médicaments. Akada. Taqadna hadhin babayn al-yawm, qui est ce qui a été apporté par rapport au kuhan. Kuhan, c'est le jam de kahin, les voyants, devins. Et ce qui est venu à propos de Anushra, qui est le fait de désenvoûtement par le biais des shayatin. Naam. Fabi hada naktafi. Nakul alhamdu rabbil alamin.